Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Voyager au Moyen-Âge, c'est le titre de l'exposition que propose le Musée National du Moyen-Âge à l'hôtel de Cluny. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Cette exposition est de celles qui vous font rêver et vous transportent dans une autre époque. Des navires, des équipages, des chaussures de voyageurs du Moyen-Âge vous attendent à côté de quelques trésors manuscrits. Pour en parler, je suis heureux de recevoir Michel Huyn, qui est le commissaire de l'exposition. Et pour vous mettre en train, je vous propose d'aller suivre les traces d'un grand peintre qui a aussi été un diplomate et donc un grand voyageur, Jan van Eyck. Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, je répondrai à la question d'Arnaud sur les origines de l'appellation conciergerie à Paris. J'ai connu des questions plus difficiles, mais au moins nous resterons dans le Moyen-Âge. Que dis-je ? Nous y sommes déjà. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Il faut vivre un temps dans le nord de l'Europe pour saisir toutes les traces, tous les vestiges qu'a laissé la grande richesse de cette région qui a été un véritable carrefour commercial et financier. Il y avait une efflorescence du commerce aux alentours du 13e, 14e, 15e siècle. On est à l'époque de la Ligue hanséatique, bien entendu. Les échanges entre la Flandre, la Hollande et puis d'une façon plus générale toutes ces régions jusqu'à la Scandinavie sont très importants. N'oubliez pas les foires également qui témoignent de cette période très prospère. Eh bien, à la même période, l'Europe du Nord connaît un bouleversement, on pourrait presque parler d'un choc culturel, artistique. De nombreux artistes vont inventer une nouvelle manière de peindre et de nouvelles techniques. Et celui qu'on cite toujours, parce que c'est celui qu'on connaît le mieux, ou pour être plus exact, celui qu'on a l'impression de connaître le moins mal, c'est Jan van Eyck, auquel on attribue notamment l'invention de la peinture à l'huile. Quand je dis l'invention, d'ailleurs, le terme perfectionnement serait peut-être plus juste. Cette révolution de la peinture à l'huile va totalement modifier le rapport à l'image. Nous n'allons pas aujourd'hui faire une émission d'histoire de l'art, mais on ne peut pas évoquer Jan van Eyck sans parler, évidemment, de ce bouleversement extraordinaire. On est au tournant du gothique flamboyant et de la Renaissance qui déjà commence à s'annoncer. De nombreux artistes italiens de la fin du XVe siècle vont s'inspirer d'œuvres flamandes. La Flandre, elle aussi, s'inspirera beaucoup de l'Italie. D'un côté, la ligne, nous disait autrefois René Huyghe. De l'autre côté, l'atmosphère. Ce qui est extraordinaire avec des peintres comme les peintres de la cour de Bourgogne, qui pour certains d'ailleurs ont été formés à la grande école de l'enluminure, c'est qu'ils arrivent à synthétiser les deux. Et c'est ce que fait Jan van Eyck, bien entendu, avec cette peinture d'une richesse, d'un détail, la Fine Schilderei, vous savez, cette peinture extraordinairement fine. On a presque l'impression, tant le travail sur les matières notamment est développé, on a presque l'impression qu'on pourrait toucher les objets qui sont donnés à voir au public. On pourrait presque dire d'ailleurs qu'ils sont donnés à voir pour la première fois. La Flandre, la Hollande sont très puissantes, vous l'avez compris. Les gouvernements nourrissent des ambitions à l'échelle de l'Europe entière. Et c'est la raison pour laquelle nous allons voir ce peintre van Eyck devenir une sorte de diplomate. Nous parlions l'autre jour de Pierre-Paul Rubens, qui a été un véritable peintre ambassadeur. Eh bien, deux siècles auparavant, van Eyck avait déjà accompli ce type de mission diplomatique. Et pour cause, les grands peintres, et notamment les portraitistes, se faisaient très rares. Ils étaient des personnalités qui abordaient évidemment à l'intimité des souverains. Les souverains en faisaient souvent leurs confidents. Et d'un souverain à l'autre, on se prêtait non seulement les services d'un peintre, mais parfois le truchement d'un diplomate. Et c'est le même homme qui assumait les deux missions. On dispose assez peu de sources, disons-le, sur le peintre van Eyck. On sait qu'il est originaire des Flandres, mais sa naissance reste un mystère. On la situe en gros entre 1380 et 1390, dans un endroit qui n'a pas été parfaitement identifié. Il est peut-être né à Maaseik, qui est devenu Eyck-sur-Meuse, à une trentaine de kilomètres de Maastricht, entre les frontières des deux provinces, des Pays-Bas et de la principauté de Liège. C'est une supposition, pour tout vous dire. Ce qui est certain, c'est qu'il naît dans des territoires soumis à l'autorité du prince-évêque de Liège. Jean III de Bavière est le premier des princes-évêques que va rencontrer réellement Van Eyck. Il sera son protecteur et son premier commanditaire. On ne peut pas parler de Jan Van Eyck sans évoquer son frère. Je devrais même dire ses deux frères. Alors il y en a un, Lambert le cadet, dont on ne sait quasiment rien, qui n'a pas une importance folle. Mais en revanche, l'aîné, Hubert, qui lui aussi était artiste, qui était même peut-être d'abord artiste, a joué un rôle déterminant dans la carrière de Jan. Dans son autoportrait de Van Eyck, Elisabeth Bellorget affirme qu'à 12 ans, le peintre part à Tournai, enfin le futur peintre, part faire son apprentissage chez son frère Hubert. « Nous arrivâmes enfin à Tournai, écrit-elle. De loin dans la plaine, j'aperçus sa belle enceinte jalonnée de nombreuses tours recouvertes de tuiles et d'ardoises. Nous franchîmes la porte Marvis dans le tumulte des chariots. La procession et la foire de septembre attiraient les courtiers du Brabant, de Flandre et d'Artois. Dans l'embouteillage, j'entendis parler allemand. Les Osterling et ceux de la Hanse teutonique y venaient aussi conclure de juteux accords. » Il faut imaginer, bien entendu, ce bouillonnement extraordinaire de la Flandre de l'époque. Jan Van Eyck se destine à un art qui est très très en vogue dans les cours de l'époque, c'est l'enluminure. On ne sait cependant, j'allais dire, pas grand-chose. Disons-le, on ne sait rien sur son activité pendant cette période. On suppose qu'il est passé par Liège et que son talent a donc été repéré par Jean de Bavière. Van Eyck est employé à La Haye. Il devient peintre de la cour, valet de chambre à partir de 1422. À cette époque, il reçoit plusieurs commandes dans l'ombre de son frère Hubert. Il possède un atelier, qui dit atelier dit un certain nombre d'élèves, toute une structure, bien entendu, tout un groupe. Il décore notamment le palais de Jean de Bavière, le palais du Binnenhof, qui est la résidence des comtes de Hollande. On le voit également travailler avec son frère sur les enluminures baptisées les heures de Milan-Turin, qui sont issus de la fragmentation des très belles heures de Notre-Dame du duc Jean de Berry. Vous savez, les heures de ce qu'on possède actuellement au musée Condé de Chantilly n'est qu'une partie de l'incroyable richesse de la collection d'enluminures de Jean de Berry. Le 6 janvier 1425, notre Jean de Bavière vient à mourir. Van Eyck perd donc son protecteur. C'est fondamental dans l'organisation de la vie d'un artiste de l'époque. Il se retrouve seul et le voilà parti pour Bruges. Alors à notre époque, ce serait vraiment une simple formalité. Hein. Vous imaginez, le voyage est tout simple. Sauf qu'en 1425, un déplacement de cet ordre est toute une aventure. Il faut imaginer l'état des routes de l'époque, les lieux de repos et de sustentation qui sont vraiment peu nombreux, très aléatoires, les montures, les harnachements, la fréquentation de ces routes également, avec les mauvaises rencontres qu'on peut y faire. Bref, voyager même sur de courte distance est une véritable aventure. Il faut constamment avoir ça à l'esprit si l'on veut comprendre justement l'incroyable tempérament d'un homme comme Van Eyck qui va voyager pendant toute sa vie. C'est tout simplement extraordinaire. Il est émerveillé, disons-le, par la richesse de Bruges, qui, du fait de sa position stratégique pour les échanges commerciaux entre la mer Baltique et le reste de l'Europe, est la première place européenne de l'époque. C'est une cité tout simplement stupéfiante. Dans la direction de Bruxelles à Ostende, la terre flamande de Gand de Bruges est une terre grasse, faiblement ondulée, avec des gens positifs et massifs, écrivait Raphaël et Brignetti. Le soleil peint des teintes vives en longs rubans écarlates brun-vert turquoise. La peinture de Van Eyck est faite de ses couleurs et de ses figures. Un extrait du générique de la série télé Marco Polo composée par Ennio Morricone à l'instant sur Europe 1. Et nous continuons avec vous Franck Ferrand à découvrir les voyages du peintre Van Eyck. Alors à Bruges, Van Eyck va solliciter une audience au palais du duc de Bourgogne en personne, Philippe III, dit Philippe le Bon, qui est comte de Flandre, d'Artois, de Bourgogne. On est à l'époque du grand-duché d'Occident, bien entendu. Notre Philippe en question est le fils de Jean sans peur, c'est le père du futur Charles le Téméraire. On peut dire qu'il règne sur un véritable royaume, sur une très grande puissance. Ça va du comté de Bourgogne et de ses places fortes de Dole et de Montbéliard, dominées par les montagnes du Jura, jusqu'à la mer du Nord, dans une sorte de très grand croissant, d'une très grande... richesse. Philippe de Bourgogne possède des résidences à Gand, à Bruges, bien entendu, c'est le Prinsenhof, c'est la résidence des ducs de Bourgogne, mais aussi à Bruxelles, Hesdin, Lille, Dijon, etc. Van Eyck entre à son service à la mi-mai 1425 comme peintre et valet de chambre. Alors, valet de chambre, c'est une fonction, c'est un office de cour, bien entendu, et ça permet de rémunérer le peintre à l'époque. Il ne faut pas imaginer qu'on demande à Van Eyck d'aller faire le ménage, bien entendu. Il va suivre le duc dans différents de ses déplacements. Il s'installe notamment à l'hôtel de la Salle à Lille. Et alors là, on est dans un autre type de déplacement. Nous en parlerons tout à l'heure avec mon invité. Ce sont les déplacements de cour. Ce sont des voyages qui sont plus structurés et un peu moins inconfortables que les autres pour des raisons que nous allons évoquer. Un événement vient perturber les premiers succès de Van Eyck à la toute splendide cour de Bourgogne. C'est la mort de son frère Hubert en 1426. Yann se retrouve avec l'héritage de tout un atelier et notamment avec une œuvre énorme en cour, l'adoration de l'agneau mystique, vous savez, l'agneau de Gand. Je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais ça me donne envie de faire une émission car cette œuvre est passionnante à bien des égards et, entre parenthèses, ça c'est une petite anecdote, c'est l'œuvre d'art qui a été le plus souvent volée dans toute l'histoire et ça m'amuserait de raconter ça un de ces jours. Prenons date. Van Eyck ignore encore qu'il va devoir patienter pour entreprendre ce grand œuvre. Il est en effet convoqué par le conseiller du duc de Bourgogne qui va l'envoyer effectuer un certain nombre de missions diplomatiques. Toujours cette idée d'un peintre ambassadeur, encore une fois le peintre confident des grands auquel on va confier un certain nombre de missions de très grande responsabilité. Certains affirment que Van Eyck a été envoyé pour une première mission secrète en 1426 en Terre Sainte. Alors là, on est dans un immense voyage. Je parlais d'aventure tout à l'heure entre Bruges et Liège, mais vous imaginez, pour aller en Terre Sainte, rien n'est moins sûr, pour tout vous dire. On n'a aucune preuve historique de cette première mission. Ce qui est certain, en revanche, c'est qu'en juillet-août 1425, on a des traces de Van Eyck à Valence. Donc il est quand même descendu... à la cour d'Aragon. Il travaille pour la princesse Isabelle d'Urgel, qui est la nièce d'Alphonse d'Aragon. Et il va d'ailleurs, tout en menant des missions diplomatiques, il réalise des portraits, il réalise des décors, etc. Il exerce son métier de peintre. Il va préparer le mariage entre Isabelle d'Urgel et le duc de Bourgogne, sauf que ça, c'est une négociation qui tournera court. Van Eyck n'aboutira pas et ce mariage ne va pas se faire. Alors, il quitte la cour d'Aragon et de retour en Flandre. Et là, on lui confie une seconde mission en 1428. Et cette fois, destination le Portugal. Ce qui veut dire que le voyage va être maritime. C'est intéressant cette vie de Van Eyck parce que ça couvre à peu près tous les types de voyages qu'on pouvait effectuer au Moyen-Âge. Le voilà parti avec toute une délégation sous la direction de Jean de Roubaix qui est premier chambellan du duc de Bourgogne. La mission cette fois va être nettement plus longue. Elle commence le 19 octobre 1428. Elle ne se terminera que bien plus tard à Noël 1429. L'objectif, c'est encore de trouver une épouse pour le duc, en l'occurrence la princesse Isabelle de Portugal, qui est la fille du roi Jean Ier de Portugal. Pour Van Eyck, la traversée est périlleuse. On ne sait pas tout, bien entendu. Et je m'en remets à la romancière pour nous décrire la tempête qui nous fit cortège, dit-elle en parlant au nom même de Van Eyck jusqu'aux côtes anglaises. Londres me remit d'aplomb pour quelques heures. J'errais dans Londres grouillante et noire. La Tamise roulait et des eaux festonnées d'écume glauque. Nous longeâmes les côtes du pays du roi Arthur dans la furie des vents. Je gisais nauséeux, incapable du moindre mouvement. Une fois passé la Vendée, ce fut l'accalmie. Bayonne, les côtes portugaises, Cascais. En riant et buvant, nous vîmes enfin Lisbonne le 18 décembre, noyée dans une brume tiède. Et cette fois, la mission va réussir. Le mariage entre Philippe III de Bourgogne et Isabelle II de Portugal sera célébré en 1430 à L'Écluse, dans la province de Zélande. Les festivités se déroulent à Bruges et je vous laisse imaginer qui en est le décorateur en chef. Nous vous rappelons, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Nous envoyez vos messages par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un court instant, sur Europe 1, nous vous retrouvons, Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur les voyages du peintre Van Eyck. Franck Ferrand, 14h, 15h, sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, au peintre Van Eyck et à ses voyages. Au cours de son voyage de retour, Van Eyck va passer par Compostelle, Valladolid, où il rencontre le roi de Castille, et même il va passer par Grenade, où il est reçu par le sultan Mohamed VIII. L'Andalousie est toujours arabe à l'époque, bien entendu. Vous imaginez à chaque fois le dépaysement. Ça aussi, il faut avoir à l'esprit la très grande, le caractère assez pittoresque, l'identité très marquée des différentes cités où l'on voyage. En faisant parfois des voyages assez courts en distance, on peut voyager considérablement en culture, si je puis dire. Les différences sont beaucoup, beaucoup plus marquées qu'aujourd'hui. Sur le plan artistique, c'est une période extrêmement florissante pour Van Eyck, qui est très influencée par ce séjour au Portugal. Et je vous parlais du panneau de l'adoration de l'agneau mystique. Eh bien, si vous voyez des orangers, des palmiers, des cyprès, des pins sur le panneau en question, c'est parce que, bien entendu, son voyage méditerranéen avait inspiré considérablement Van Eyck, et c'est au retour du Portugal qu'il va enrichir sa composition de ses essences pour le moins exotiques pour l'époque. Le terme d'exotisme est assez anachronique, je vous le concède. En 1430, Van Eyck va se fixer à Bruges. Il est nommé peintre de la cour. Bruges est non seulement sa ville préférée, mais je vous l'ai expliqué, c'est la grande ville extraordinaire. Cette ville qui, pour l'époque, est un peu l'équivalent terrestre de la Jérusalem céleste. C'est sans doute la période la plus intense de sa carrière artistique. Toutes les grandes œuvres célèbres de Van Eyck sont de cette époque, à commencer par les fameux époux Arnolfini, bien entendu. Ça ne l'empêche pas de continuer à voyager. Puisqu'il est au service du duc, on le voit se rendre régulièrement à Dijon, à Lille de nouveau, à plusieurs reprises. En 1435, il est envoyé à Arras pour la négociation de paix entre la Bourgogne, l'Angleterre et la France. Il effectuera une dernière fois certains voyages lointains et ces étranges marches en 1436 exactement. Alors, que sont les étranges marches ainsi dénommées? Ce ne sont probablement pas des terres chrétiennes. Il faut savoir qu'à l'époque, Philippe le Bon envisageait de mener une croisade. Il est possible qu'il ait envoyé, si je puis dire, en éclaireur, son peintre et non et néanmoins diplomate, Jan Van Eyck. Ce qui veut dire que jusqu'à un âge avancé, et alors que, encore une fois, les conditions de voyage à l'époque étaient tellement difficiles, on voit Van Eyck effectuer encore une mission très lointaine en 1436. Dans les dernières années de sa vie, il n'a plus de mission secrète. Ça ne l'empêche pas de continuer à travailler. Il faut savoir que, pour revenir à notre adoration de l'agneau mystique, c'est un polyptyque qui fait 12 panneaux de chêne, dont 8 mobiles, bien entendu, peints sur les deux faces. C'est comme les retables de la plupart, en tout cas des retables de l'époque, et qui font référence à l'évangile de Jean, dans lequel l'agneau qui répand son sang dans un calice symbolise le sacrifice du Christ. Il est au cœur de la composition. Encore une fois, j'empiète presque sur l'émission que je vous ai promise tout à l'heure et que nous essaierons de faire assez vite. Si les dernières années de la vie de Van Eyck sont relativement sédentaires, c'est peut-être tout simplement qu'il ne peut plus voyager. Ça, l'histoire ne nous le dit pas. Les archives sont muettes sur le sujet et nous ne possédons aucun témoignage sur son état de santé dans les 3-4 dernières années de son existence. Mais en tout cas, le fait est qu'il reste à Bruges, où il va mourir le 9 juillet 1441. 100 ans plus tard, Du Bellay écrira « heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, ou comme c'est celui-là qui conquit la toison, et puis est retourné, plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Bonjour Michel Huyne, j'ai évoqué de loin quelques voyages de Van Eyck. Avec vous, nous allons voir de très près à quoi pouvait bien ressembler le voyage et le déplacement au Moyen-Âge. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, nous voyageons au Moyen-Âge cet après-midi avec vous, Franck Ferrand, et votre invité Michel Huyne, conservateur en chef au musée de Cluny et commissaire de l'exposition « Voyager au Moyen-Âge » qui s'y déroule. Une exposition qui a démarré le 22 octobre dernier se poursuit jusqu'au 23 février 2015. Quand on voit tous ces objets qui sont exposés au musée de Cluny, Michel Huyne, évidemment, on comprend, on touche du doigt, si je puis dire, la difficulté qu'on pouvait avoir à voyager au Moyen-Âge. Ce Jan Van Eyck n'aura jamais cessé pendant toute sa vie, pendant toute sa carrière, de pérégriner par les routes, par les veaux et par la mer également. Ce qui est tout à fait normal, c'est un artiste, et un artiste suit essentiellement les mécènes ou les commanditaires qui sont susceptibles de lui fournir du travail et donc de l'argent. Alors là, en l'occurrence, son dernier commanditaire, celui qui restera d'ailleurs son commanditaire pour la majeure partie de sa vie, c'est le duc de Bourgogne en personne, autant dire un des souverains les plus puissants de l'époque, qui va lui confier des missions diplomatiques. Ça non plus, ça n'est pas si rare, je l'ai dit. Mais est-ce que ça veut dire que Van Eyck voyageait dans des conditions plus confortables que le commun des mortels ? Le voyage est toujours lié à la condition sociale. C'est-à-dire, plus vous avez des moyens, mieux vous voyagez. C'est encore vrai actuellement. Vous avez deux classes différentes dans les avions. Vous en avez pareillement dans les trains. Il faut imaginer une transposition de ces hiérarchies sociales de la même manière au Moyen-Âge ou sous l'Ancien Régime. Alors, qui voyage au Moyen-Âge ? Parce que ce qu'il faut peut-être commencer par dire, c'est qu'une partie très importante de la population ne voyage pas du tout. Eh bien non, tout le monde voyage. En réalité, tout le monde voyage. Le paysan qui va à la foire du coin, au village d'à côté, à 5 km de là, vendre son sac de navet est quelqu'un qui voyage. Pour lui, c'est un voyage. De la même manière, un souverain qui contrôle d'immenses territoires et qui va de ses résidences principales à ses résidences secondaires, qui en fait sont principales, effectue également un voyage. Donc vous voyez que toutes les couches de la population voyagent et que leurs voyages sont dépendants dans la distance, dans les moyens mis en œuvre pour l'accomplir, dans le confort relatifs qu'ils peuvent avoir et dans les moyens de locomotion qu'ils prennent, et dépendant de leurs conditions sociales et des buts de voyage. Alors nous allons voir quelques grands types de voyageurs du Moyen-Âge. Celui auquel on songe tout naturellement, c'est le pèlerin, bien entendu. On songe au chemin de Compostelle, etc. C'est un peu l'image d'Épinal, mais en tout cas, on voit le pèlerin qui voyage et qui prie. Alors le pèlerin voyage loin, il peut effectuer des pèlerinages. Il y a des grands centres de pèlerinage au Moyen-Âge que sont Saint-Jacques-de-Compostelle, Rome et la Terre Sainte. Mais il y a aussi une infinité de tout petits centres, ou de moyens centres disons, de pèlerinage qui sont dits locaux. On peut pèleriner à 10 kilomètres, à 20 kilomètres. Et donc c'est toute une société... Des kilomètres qui n'existent pas à l'époque. On peut plutôt d'ailleurs parler en journée de voyage. C'est d'ailleurs encore comme cela que l'on arrive à compter des déplacements dans certains pays, y compris dans des pays de l'Europe. En Irlande, il vaut mieux compter son voyage en heures d'ailleurs qu'en kilomètres. Oui, et pour cause, parce que ça, après c'est une question de relief et d'accessibilité. On va venir justement aux infrastructures, si je puis dire, dans un instant. Donc il y a tous ces pèlerins qui sont quand même très nombreux. Ce sont eux qu'on croise sur les différentes routes du Moyen-Âge ? Alors on les croise, on croise des marchands, messagers, on croise des chevaliers errants en quête de gloire. Alors les marchands maintenant, ça c'est la deuxième grande catégorie si je puis dire. Ce sont ceux qui voyagent pour le commerce essentiellement. Il y a une nécessité. Et les échanges. Justement. En réalité, il y a peu de motivation au voyage. C'est surtout ça. C'est que la motivation principale du voyage de tout un chacun, une des premières motivations, ça reste quand même l'enrichissement. Et cet enrichissement, il suscite ou il fait naître des catégories professionnelles telles que les marchands. Alors ces marchands, évidemment, plus ils vont voyager loin, plus ils vont avoir une plus-value sur les marchandises qu'ils vont rapporter. Puisqu'évidemment, ce qui compte, c'est d'avoir des objets à vendre de forte valeur, tels que les épices par exemple, les métaux précieux, les pierres semi-précieuses, des étoffes, des bois, des matières premières. Bien sûr. Et vous nous disiez des messagers, parce qu'évidemment, l'information à l'époque, elle voyage avec les gens. Oui, il n'y a pas Internet encore. Mmh. Et les colombes quand même, non, les... et les pigeons. Non, non, pas tant que ça. Pas tant que ça. D'ailleurs, ça vient juste il y a quelques années d'être déclassifié comme, ah, comme arme de guerre. Le colombophile peut, je crois, depuis une dizaine d'années, désormais exercer sans être soumis au contrôle du ministère de la guerre, enfin, ou de la défense, comme on appelle ça maintenant. Mais en tout cas, à l'époque, il fallait des messagers. Quand alors, on il faut des messagers. Alors, c'est une profession. Messager, c'est une profession. Il faut imaginer que l'information doit circuler. Elle circule dans les strates politiques, mais dans les strates marchandes, dans les strates familiales ou privées de cette Europe. Un messager, un bon messager, on va dire au XIVe siècle, un messager royal avec une bonne infrastructure et une bonne logistique derrière lui, est capable de faire 600 km en 4 jours. Oh là là. 600 km en 4 jours, c'était un Paris-Bordeaux, on va dire sur un terrain relativement plat ou peu vallonné, à mettre en relation avec les 30 km... que peut faire un marcheur correct à cette même époque. Et c'est donc 20 fois plus, hein. C'est, oui. C'est assez spectaculaire, bien entendu. Donc il y a toute une organisation. Est-ce qu'on a déjà la mise en place d'un système de relais, par exemple? À quel moment est-ce qu'on voit ça? On l'a quand il existe. On a une difficulté à le toucher. Les historiens le touchent. Évidemment, la matérialité de ces relais, elle est beaucoup plus distante de nous. Elle n'a pas laissé de traces. Elle a laissé des traces pour l'époque moderne, pour le XVIIe, le XVIIIe siècle. Oui. Mais pour le Moyen-Âge, c'est cette matérialité-là est difficile à toucher. Oui, ça fait partie des choses un peu nébuleuses, forcément. Et puis, vous nous avez parlé des chevaliers tout à l'heure, de façon, on se croirait avec Italo Calvino, mais en l'occurrence, il y a les hommes de guerre d'une façon plus générale, car on se bat beaucoup et les armées, elles font de grands mouvements, ça, il faut le dire. Des grands ou des petits? Ou parfois des petits. Ou des petits. Oui. Elles font des grands mouvements, c'est toute une organisation que de faire se déplacer une armée. En marge de ça, il y a ce que je disais, cette figure du chevalier errant que la littérature a consacrée, oui, mais qui correspond quand même à une réalité. C'est-à-dire que cette recherche de gloire, cette espèce d'idéal que l'on essaye de toucher en étant chevalier et en accomplissant des exploits, on l'imagine sans évidemment en avoir une transposition matérielle réelle. Mais on imagine ce chevalier solitaire cherchant le tournoi, l'amour, les aventures extraordinaires. Et cet imaginaire-là a perduré. Dans l'archéologie nationale et l'histoire ancienne, on a depuis quelques décennies maintenant découvert à quel point les fameuses voies romaines étaient en fait très souvent des voies celtiques développées et réemployées par les Romains. Qu'en est-il des routes au Moyen-Âge? Est-ce qu'elles sont de qualité? Est-ce qu'il y a des voies de communication efficaces? Alors ça dépend des époques. De manière générale, de toute façon, quel que soit l'état de la route, on va imaginer que la route est en très bon état, qu'elle est entretenue, elle est moins rentable en termes de temps de déplacement que la navigation fluviale. Donc on le voit d'ailleurs à l'occasion du déplacement d'une délégation qui fait quelque chose comme Dijon-Avignon, que ceux qui ont choisi le cheval et la route, c'est-à-dire donc déjà un niveau de déplacement aisé, et non pas la charrette, et voire moins le à pied, sont moins rapides que l'autre partie de la délégation qui décide de prendre le chemin fluvial. Oui, ça c'est... Donc c'est vraiment une question très relative. Cette notion de route, évidemment il y a des routes, les routes romaines anciennes existent, on les voit sur la table de Peutinger par exemple, on voit ces grands itinéraires qui maillent l'Europe, y compris jusqu'à ces marches étranges dont vous parliez tout à l'heure, qui doivent être comprises comme des limites. Ces routes-là existent, leur entretien est variable. On utilise surtout les coches d'eau, disons, c'est ça. Enfin, sur quoi est-ce qu'on s'embarque, sur les fleuves et les rivières? On peut s'embarquer sur l'équivalent de ces gabarres. Oui, voilà, c'est ça. Qui existent actuellement. Ce genre de bateaux qui font 10, 12, 15 mètres. En revanche, la navigation maritime fait peur, même si elle existe, hein, bien sûr, mais elle est toujours un peu délicate. Elle fait peur, mais pas à tout le monde. Vous voyez, par exemple, le viking qui vient à chaque été violer, piller et razier, ça ne lui fait pas franchement peur de faire Copenhague-Paris en passant par la mer, puis en remontant la Seine. Donc, c'est encore une fois, il y a effectivement une part d'imaginaire qui nous est connue et que l'on touche par la littérature notamment, une part de réalité qui nous est également connue par l'archéologie, et puis, je dirais, une conception du voyage et de l'appréhension qu'on en a fondamentalement différente et dépendant des cas typiques que l'on peut rencontrer. Une chose qu'il faut dire, notamment pour nos plus jeunes auditeurs, que ce soit très, très clair, on est mercredi aujourd'hui, hein, c'est qu'il n'y a pas du tout de voiture, hein, il n'y a pas de carrosse, de choses comme ça. Ce qu'il y a, c'est des chariots, à la limite. Il y a des chariots, des chariots qui sont bâchés. Il y a un accident qui est resté célèbre d'un pape se rendant à un concile et ayant fait ayant cassé un essieu sur la route. Justement, les ecclésiastiques et les femmes, d'une façon générale, les malades aussi, ont droit souvent à la litière. Il faut expliquer ce que c'est, ça. Alors, ça fait évidemment partie de tous ces modes de déplacement que l'on ne connaît que par l'iconographie. Et oui. Ça, il faut vraiment le préciser. C'est-à-dire que quand bien même ce serait décrit, nous n'en avons aucune trace matérielle. Il ne reste en tout et pour tout, pour la totalité du Moyen-Âge, qu'un seul chariot, par exemple, qui est celui d'Osberg. Il ne reste rien. Mais on a effectivement des litières, on peut avoir des basternes, qui sont ces équivalents de petites voitures portées par des brancards à deux chevaux, l'avant, à l'arrière. Il faut voir ça aussi comme étant parfois infamant. Par exemple, lorsque Lancelot a perdu son cheval et qu'il est obligé d'aller dans une charrette, donc le chevalier à la charrette... C'est dévirilisant. C'est absolument dévirilisant. C'est comme sortir de son 4x4 pour prendre le métro, vous voyez. Essentiellement, on est à cheval quand on a les moyens et surtout, on est à pied, en fait, il faut le dire. 99,99% de la société médiévale qui se déplace, et elle se déplace en grande majorité, est à pied. Il n'existe pas de chaussures spécifiques pour la marche, et parfois même on n'a pas de chaussures. Ou alors on en a, mais on les économise, notamment dans le cadre du pèlerinage. Alors nous allons, grâce à vous, un peu en avant-première, si je puis dire, visiter dans un instant l'exposition du musée de Cluny. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Nous voyageons au Moyen-Âge cet après-midi avec vous, Franck Ferrand, et votre invité Michel Huyn, conservateur en chef au musée de Cluny, commissaire de l'exposition qui s'y déroule en ce moment en Voyager au Moyen-Âge. Elle a démarré le 22 octobre et se poursuit jusqu'au 23 février 2015. Ce que vous me disiez, Michel Huyn, pendant l'interruption publicitaire, c'est qu'en fait, on ne sait pas tout, évidemment, sur cette période et qu'il est assez difficile parfois d'appréhender les choses. Vous me parliez notamment, vous me donniez l'exemple des routes. C'est vrai qu'il est très difficile aujourd'hui de savoir à quoi ressemblaient exactement les routes au Moyen-Âge, par définition. Elles ont laissé, somme toute, assez peu de traces. Les historiens en ont connaissance. Elles ont laissé des traces dans le... littéraire, des traces dans les sources. Et puis dans certains tracés anciens. De la voie qui va vers Notre-Dame de l'Épine et aujourd'hui complètement délaissée, qui est parfaitement rectiligne. En revanche, sur la matérialité proprement dite, on en a découvert, les archéologues en ont découvert quelques tronçons. On sait que parfois il y avait du pavage, parfois du bois debout. Mais on n'a pas la moindre idée de savoir si c'était véritablement bien entretenu, quelle moyenne on était capable de faire. Et comme le voyage n'est en réalité que du temps et de l'espace parcouru, il n'est par essence non matériel. Et il y a en ceci un paradoxe qui est que cette chose totalement immatérielle nous est parfaitement connue par les historiens. Les travaux des historiens comprennent le voyage à partir des sources écrites et en croisant un certain nombre de données. Et qu'en revanche, la matérialité proprement dite du voyage est sans doute la chose la plus délicate à toucher. Évidemment. En revanche, il y a toutes sortes de thématiques. La thématique de l'initiation, la thématique de l'échange, la thématique du choc culturel, la thématique de... on pourrait dire de l'enrichissement, de l'élévation, enfin, etc. Tout ça figure dans les textes, incontestablement, n'a pas laissé de traces. C'est ce que vous nous dites, par définition. Bien sûr que non. Vous pouvez faire le plus beau voyage du monde, déjà. Si vous ne le racontez ou ne l'écrivez pas, il n'aura pas existé. Il va disparaître, oui. Il n'aura pas existé. Il ne laissera aucune trace dans l'histoire. Vous parliez en revanche, par exemple, tout à l'heure de Van Eyck et de ses commandes de voyages diplomatiques à travers l'Europe et aussi la Terre Sainte. Ce même commanditaire envoie également un de ses officiers, qui est Bertrandon de la Brocquière, effectuer un pèlerinage en Terre Sainte, qui est en réalité une mission d'espionnage. Donc ça, ça a laissé des traces, parce que ça a été raconté ensuite. Donc il prend la ligne directe qui est Venise, Terre Sainte, par voie maritime, et il décide de rentrer par la terre. Et là, il cache son épée, il se déguise en turc, il apprend le turc, l'arabe, il intègre une caravane, et il prend énormément de renseignements servant à faire une croisade. Par exemple, il voit que les encoches des flèches des Sarrasins ne permettent pas permettre aux Occidentaux de renvoyer ces flèches si jamais on leur tire dessus, mais l'inverse n'étant pas possible. C'est-à-dire qu'un Sarrasin ne pourra pas renvoyer une flèche occidentale à cause de la taille de l'encoche qui est utilisée d'un côté ou de l'autre. Et ça, il en a laissé des traces parce qu'évidemment, ça a été écrit. Écrit, c'est toujours voilà. La même chose. Mais... Et donc, on a un côté très touchant et très piquant de ce voyage. Les voyages qui ont le plus marqué l'histoire et l'imaginaire collectif ne sont-ils pas les pèlerinages, justement ? Ceux qui ont le plus marqué l'histoire, à mon sens, ce sont d'abord les voyages du Christ. Parce que le Christ est un modèle. Tout petit, il voyage, il va en Égypte. Il ne cesse d'avoir une vie itinérante à l'intérieur d'une aire géographique définie. Il va quand même un petit peu aux enfers. Il monte au ciel. C'est le voyageur complet par excellence. Et puis sur ce modèle-là, il y a des tas de saints qui ont voyagé. Saint Brandan, par exemple, qui part d'Irlande pour aller chercher le paradis avec 12 de ses camarades sur un bateau, une longue errance, à l'image du Christ. C'est-à-dire qu'il traverse des épreuves, il rencontre des choses extraordinaires, finissent par toucher ce paradis et doivent revenir. Donc des modèles de voyage, il en existe des dizaines. Un certain nombre sont centrés sur la figure du Christ et de la mouvance des saints qui l'entourent. D'autres sont des voyages d'explorateurs. Marco Polo a été un de ses grands modèles. Quand on voit que Mandeville cherche à faire le même voyage que Marco Polo, s'arrête en Terre Sainte, ne va pas plus loin et se met ensuite à raconter n'importe quoi pour dire qu'il a fait le même voyage que Marco Polo, c'est une figure qui est marquante et on voit bien cette filiation. Alors, je ne vais sûrement pas lancer avec vous la polémique sur Marco Polo, mais on a mis en cause une certaine partie du voyage de Marco Polo. C'est Francis Wood de la British Library qui elle nous dit que Marco Polo n'a jamais dépassé la mer Noire. Mais enfin bon, ça. À ce propos, tiens, il y a un très beau livre qui est paru chez Paulsen de Louis-Marie et Élise Blanchard. Ça s'appelle Marco Polo, l'incroyable voyage. Et au-delà de l'histoire de Marco Polo lui-même, c'est sur toutes les traces que ça a pu laisser et sur les extraordinaires développements que l'idée même de voyage à travers Marco Polo a eu dans l'Occident jusqu'à une époque récente. C'est un très bel album. Alors, que voit-on concrètement lorsqu'on se promène au musée de Cluny en ce moment dans cette exposition sur le voyage? D'abord, un grand bateau, il faut le dire quand même. On y voit les restes d'une des rares épaves de la période médiévale qui soit conservée. Pour l'ensemble de la période médiévale, c'est-à-dire une dizaine de siècles, et pour une aire géographique grande comme l'Europe, on doit conserver au mieux deux douzaines d'épaves. Dont la moitié dans ces deux douzaines, une douzaine sont vikings. Donc les bateaux du Moyen-Âge qui pourtant ont sillonné les mers et les fleuves sont extrêmement rares. On en a beaucoup plus d'ailleurs pour la période antique ou pour la période moderne, mais évidemment le Moyen-Âge n'a pas laissé beaucoup d'épaves disponibles. Donc on y voit un bateau de 1450 qui était capable de faire, il est originaire de Guernica près de Bilbao, c'est le genre de bateau qui est capable de faire Bilbao, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Jean-de-Luz, Bordeaux, en suivant les côtes, mais dans une mer un peu démontée. Il est originaire de Guernica parce que le musée épiscopal de Vic est un des participants de l'exposition, un des partenaires. Il faut dire que c'est une exposition entre musées, entre si je puis dire. Entre réseaux. Donc, au sein d'un réseau de musées d'art du Moyen-Âge, parmi lesquels il y a le musée épiscopal de Vic en Catalogne, le Schnüttgen à Cologne et le Bargello à Florence. Donc avec le musée de Cluny, nous sommes quatre. Qui est en pleine restauration en ce moment, donc ça tombait peut-être bien, le Bargello. Alors oui, le Bargello, qui d'ailleurs est un musée aussi, qui a été fait sur le modèle de Cluny, qui est une sorte qui partage avec nous un ADN commun. Alors ces musées ont prêté des objets incroyables, il faut le dire. Au départ, vous deviez... Racontez-nous la genèse de cette exposition, parce que c'est assez amusant. Au départ, à l'origine de la création de ce réseau, l'idée était de faire circuler un objet provenant de chacune de nos quatre collections à travers les quatre lieux. Et le sujet s'était assez naturellement imposé comme étant le voyage. Et puis, lorsqu'il a fallu que l'on choisisse l'objet de Cluny, j'avoue que je n'ai pas réussi à choisir un objet parce que je ne pense pas qu'il y a un voyage qui soit supérieur aux autres, parce que je ne pense pas qu'il y a un type de voyageur qui vaille plus que tous les autres ou qui les résume surtout. Et j'ai fait une petite proposition d'une quinzaine d'objets, déjà répartis en plusieurs petits chapitres, trois chapitres. Et de fil en aiguille, on a fini par, par tricoter, par tisser cette, ce parti d'exposition un peu complexe où on mêle en réalité les motivations du voyage, qui sont très très peu nombreuses, certaines figures du voyageur et des thèmes tels que le voyage des artistes ou le, l'appréhension du monde. Avec au total de quelques 150 œuvres et objets. Oui, 150 objets. Donc des objets extrêmement rares, des choses qu'on ne voit qu'une fois dans sa vie. Non, mais c'est vrai, le Codex Amiatinus, par exemple, c'est la Bible la plus ancienne, une Bible extraordinaire qui fait une cinquantaine de kilos. C'est un très très gros objet. C'est un objet colossal, et c'est surtout c'est sans doute le plus beau livre du monde. C'est un livre qui figure dans tous les ouvrages sur l'histoire du livre comme étant une espèce de joconde du livre. D'une richesse invraisemblable. Oui, c'est ce que je dis toujours. C'est un livre qui a été fait au début des années 700, commandé dans les îles britanniques pour pouvoir être offert au pape. Il a voyagé. Le commanditaire, l'abbé Seolfrid, est mort à Langres en 716, je crois, ce qui est un peu normal, en hiver 716. Et ensuite, ses compagnons ont continué. Le livre n'est jamais arrivé jusqu'à Rome. Il a nécessité 2000 veaux. Il faut voir qu'un livre comme ça, c'est du parchemin. C'est du parchemin. C'est un, c'est un immense cheptel. Un veau pour 4 pages. C'est pas compliqué, c'est un veau pour 4 pages. Donc c'est un ouvrage colossal. Ça représente à la fois une valeur économique considérable pour le Moyen-Âge, et puis c'est un témoin d'un voyage qui a vraiment existé et qui est au centre de cette matérialité. Oui, et là, le livre est un peu le produit du voyage. Le livre est à la fois la raison et le produit, oui. Et vous avez par ailleurs des livres qui, eux, sont les témoins du voyage, il faut le dire, le support de l'imaginaire. Alors nous avons à la fois, donc ce que je disais, ce récit de Bertrandon de la Brocquière qui fait son voyage en Outre-mer, un Devisement du monde de Marco Polo, mais qui est l'exemplaire de Jean de Berry, parce qu'il fallait pas moins que ça comme exemplaire. Et puis des guides de pèlerinage, dont deux exemplaires de la même édition de Bernard von Breidenbach, qui est un chanoine de Mayence, qui dans les années 1480, début des années 1480, à la quarantaine rugissante, commence à regretter, avoir des remords pour sa vie dissolue. Alors, il estime avoir fait 2-3 petites bricoles, ou peut-être sans doute beaucoup plus, qui nécessiterait d'être lavé par un pèlerinage. Alors il part avec deux de ses camarades, Philippe von Binken et Hans von Solms, et un quatrième personnage qui est un peintre réputé d'Anvers, dit-il, qui s'appelle Reuwisch. Et ces quatre partent en Terre Sainte, font le voyage. Alors ils prennent la ligne directe, hein, vous savez, la ligne Costa habituelle, où on voit les jolis paysages maritimes, Venise, Corfou, Rhodes, Modon, Chypre, puis la Terre Sainte. Ils s'éloignent un petit peu, ils vont dans le désert. Le 20 juillet 1485, ils voient une licorne. Donc, vous savez, à Cluny, quelqu'un qui a vu une licorne, oui, chez nous, c'est naturel. C'est naturel et puis c'est corporate. Hein. On aime bien les gens qui ont vu des licornes, ils ont une saveur. Je précise pour nos jeunes auditeurs, la célèbre tenture de la dame à la licorne à Cluny, bien sûr. Voilà, c'est pour ça que c'est vraiment une. Nous avons une affection particulière pour ceux qui ont vu des licornes. Donc, lui, il en a vu une le 20 juillet. C'est un club très fermé, mais Marco Polo est dedans. Ah, Marco oui. Polo en a vu une. Oui. Et du coup, Mandeville en a vu une. Et je reviendrai juste après sur la licorne, mais ils reviennent de ce pèlerinage et en font une sorte de guide de voyage extraordinaire, d'une modernité incroyable. On y voit notamment tous les peuples que l'on peut rencontrer, les Juifs, les Syriens, les Sarrasins, les Grecs. On y a des éléments d'alphabet, de langage et des planches de ces animaux. Michel Huyn, il faut conclure. Alors si vous voulez dire un mot sur la licorne, c'est maintenant. Alors, évidemment que Bernard von Breidenbach doit voir une licorne. Il peut pas faire moins que l'autre. Que serait-il si, revenant de Terre Sainte, il n'avait pas vu des choses extraordinaires? Et c'est sans doute ça, cette part de magique et de merveilleux dans le Moyen-Âge que l'on arrive à toucher du doigt lorsqu'on considère ces planches-là. Et non pas comme des affabulations, mais plutôt comme ce qui doit être vu et ce qui doit être compris de cette période-là. Regardez les publicités d'aujourd'hui, ça n'a pas changé de ce point de vue. Merci infiniment. Voyager au Moyen-Âge, c'est le titre de l'exposition que propose en ce moment le Musée National du Moyen-Âge, donc le musée de Cluny. Dans un court instant sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question d'Arnaud. Il souhaite connaître les origines de l'appellation conciergerie à Paris. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question d'Arnaud. Il nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission. Arnaud voudrait savoir d'où vient le terme de conciergerie pour le 36 quai des Orfèvres. J'aimerais beaucoup, cher Arnaud, vous refaire toute l'histoire de l'île de la Cité, mais je n'en ai ni le temps ni l'énergie pour tout vous dire. Alors, parlons de cette conciergerie qui est le plus ancien bâtiment du palais de la Cité. Palais qui a toujours été le palais, alors depuis le temps des gouverneurs romains, et même, en tout cas depuis les gouverneurs romains. Le premier palais des Capétiens est là, et au Xe siècle, on va voir les premiers Capétiens se servir de ce palais pour asseoir, évidemment, leur autorité. Sous le règne de Philippe Auguste, on est au XIIe siècle, cette partie, en tout cas, du palais va prendre le nom de conciergerie en raison de son gouverneur qu'on appelle justement le concierge et dont le rôle est d'assurer les fonctions de police et de justice à Paris. Il ne s'agit pas d'une conciergerie au sens prendre la clé chez le concierge, en l'occurrence, bien entendu. À la fin du XIVe siècle, les rois vont quitter pour ce qui est de l'habitat le palais de la Cité. On s'installe au Louvre, on s'installe à Vincennes, on s'installera à l'hôtel Saint-Paul, etc. Mais les institutions de la monarchie, en tout cas les institutions judiciaires, le Parlement de Paris, la Chambre des comptes, la chancellerie, tout ça reste en place, bien entendu. Ce qui va continuer, ce qui va s'inscrire dans la continuité de toute cette fonction de l'île de la Cité. La conciergerie, à ce moment-là, va se spécialiser en quelque sorte dans les questions judiciaires. On va la transformer peu à peu en prison et on y trouvera des personnes qui notamment ont attenté à la vie du roi. Je pense à Ravaillac qui est emprisonné à la conciergerie après l'assassinat d'Henri IV en 1610. Je pense aussi à Fieschi, beaucoup plus tard. Vous savez, l'auteur de l'attentat contre Louis-Philippe en 1835. Cette prison, elle reste évidemment dans l'imaginaire public attachée à la période de la Terreur pendant la Révolution française. Elle a servi de prison pour le tribunal révolutionnaire. On a vu passer là, bien sûr, Charlotte Corday, Danton, Robespierre, Marie-Antoinette, bien entendu. Et aujourd'hui, on visite encore toutes ces cellules, on visite encore cette ancienne prison. De nos jours, le palais de justice de la Cité abrite, vous savez, la cour de cassation, la cour d'appel de Paris, le tribunal de grande instance, le conseil de l'ordre des avocats de Paris, un bâtiment attenant au palais, mais de l'autre côté de l'île, au 36 quai des Orfèvres, a été construit, lui, à la fin du 19e siècle. C'est la direction régionale de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris. Je dis ça, Arnaud, parce que j'ai cru comprendre que pour vous, 36 quai des Orfèvres et conciergerie ne faisaient qu'un. Non, ce sont bien deux choses très différentes.